Ce n'était pas sans but que Jacques Arnoux avait choisi le voisinage de Creil. En plaçant sa manufacture le plus près possible de l'autre, accrédité depuis longtemps, il provoquait dans le public une confusion favorable à ses intérêts. Le principal corps de bâtiment s'appuyait sur le bord même d'une rivière qui traversait la prairie. La maison de maître, entourée d'un jardin, se distinguait par son perron, orné de quatre vases où se hérissaient des cactus. Des amas de terre blanche séchaient sous des hangars. Il y en avait d'autres à l'air libre. Et au milieu de la cour se tenait Sénécal, avec son éternel paletot bleu, doublé de rouge. L'ancien répétiteur tendit sa main froide. « Vous venez pour le patron ? Il n'est pas là. » Frédéric, décontenancé, répondit bêtement. « Je le savais. » Mais, se reprenant aussitôt, « c'est pour une affaire qui concerne Madame Arnoux. Peut-elle me recevoir ?»« Ah, je ne l'ai vue depuis 3 jours, » dit Sénécal. Et il entama une querelle de plainte. En acceptant les conditions du fabricant, il avait entendu demeurer à Paris, et non s'enfouir dans cette campagne, loin de ses amis, privé de journaux. N'importe, il avait passé par là-dessus. Mais Arnoux ne paraissait faire nullement attention à son mérite. Il était borné d'ailleurs, et rétrograde, ignorant comme pas un. Au lieu de chercher des perfectionnements artistiques, mieux aurait valu introduire des chauffages à la houille et au gaz. Le bourgeois s'enfonçait. Sénécal appuya sur le mot. Bref, ses occupations lui déplaisaient. Et il somma presque Frédéric de parler en sa faveur afin qu'on augmentât ses émoluments. « Soyez tranquille, » dit l'hôte. Il ne rencontra personne dans l'escalier. Au premier étage, il avança la tête dans une pièce vide. C'était le salon. Il appela très haut. On ne répondit pas. Sans doute, la cuisinière était sortie, la bonne aussi. Enfin, parvenu au second étage, il poussa une porte. Madame Arnoux était seule, devant une armoire à glace. La ceinture de sa robe de chambre, entr'ouverte, pendait le long de ses hanches. Tout un côté de ses cheveux lui faisait un flot noir sur l'épaule droite, et elle avait les deux bras levés, retenant d'une main son chignon, tandis que l'autre y enfonçait une épingle. Elle jeta un cri et disparut.